RMC, Bourdin Direct. Notre invité ce matin, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Solar Impulse a décollé. Oui. Ça doit vous réjouir, dites-moi. Ah oui, c'est merveilleux. C'est une aventure extraordinaire. Mmh. Je rencontrais d'ailleurs l'équipe de Bertrand Piccard à Abu Dhabi au moment de la préparation de leur départ. Oui. Et c'est vraiment le signal qu'il y a d'abord un potentiel industriel extraordinaire dans la transition énergétique. Qu'un jour, je suis sûre que ça va marcher. Il y aura des longs courriers aux énergies renouvelables. Déjà, Airbus fabrique un petit avion électrique. J'ai eu l'occasion d'inaugurer récemment. Et puis, c'est tous les nouveaux matériaux. Donc, c'est cette révolution de la croissance verte qui est en route avec le transport propre. Et Solar Impulse va donc se déplacer à travers le monde entier et être présent, bien sûr, à la conférence de Paris sur le climat. Ségolène Royal, j'ai peur que mon pays ne se fracasse contre le Front National. Là, nous sommes redescendus sur terre avec la phrase de Manuel Valls. Mais pourquoi jouer sur la peur? Est-ce qu'il joue sur la peur? Écoutez, moi, je ne comprends pas toutes ces réactions critiques à l'égard de cette phrase qui est une phrase de mobilisation de son camp. Le Premier ministre est chef de la majorité. Il sait parfaitement que les réveils post-électoraux sont parfois douloureux pour la gauche lorsque la gauche voit le Front National passer devant ou faire des très beaux scores. Et puis à chaque fois, les électeurs se disent « Ah ben si on avait su, on serait allé voter ». Voilà, c'est tout. Il y a une mobilisation qui est tout à fait logique en période préélectorale, mais en plus il ne s'est pas tenu à cela puisqu'il a aussi mobilisé sur son action, sur l'action du gouvernement, sur l'action des forces vives du pays, sur tout ce qui se passe. Parler du Front National, Ségolène Royal. C'est ce que vous faites en tout cas. Non, mais c'est pas donc moi. Donc moi j'arrêterai pardon. Là. Non mais pardon, le président de la République, le premier, il faut arracher les électeurs. Manuel Valls hier. Mais que dirait-on? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Mais que dirait-on si nous répercutons, nous posons des questions après les paroles et les propos tenus par les dirigeants politiques? Pardon. Que dirait-on s'il ne le faisait pas, s'il ne mobilisait pas? Bon, oui. Donc c'est logique que cette mobilisation se fasse. Il est logique qu'on vous interroge aussi dessus. Voilà, mais j'ai répondu. Bon. J'en dirai pas plus. Bon, vous n'en direz pas plus, mais lorsqu'il dit je revendique la stigmatisation de Marine Le Pen, il a raison. Ben oui, il a raison, mais une fois de plus, passons à autre chose. Cette mobilisation est faite. Alors pourquoi pourquoi ne parle-t-il pas de chômage, de délinquance, de lutte contre de ces propositions pour l'environnement que vous portez, de je ne sais pas moi, il est Premier ministre, non? Interrogez-moi sur ce que à dénigrer mobiliser ou à faire peur. C'est plus une interview. Ou à jouer avec les peurs. Oui. Bah écoutez, ne caricaturez pas non plus la prise de parole des responsables politiques. Je caricature pas. Mais on est en période préélectorale, donc les réactions à ce que disent les uns et les autres sont excessives. Moi, je puis vous dire que dans les domaines, en tout cas dans ceux dont j'ai la charge, les choses bougent, avancent. La loi de transition énergétique a été votée et j'espère qu'elle va créer plus de 100 000 emplois. En tout cas, c'est ce que disent les industriels qui attendaient avec impatience des règles nouvelles, notamment pour la rénovation énergétique. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez aider notre pays, votre pays. Vous pouvez l'aider en vous saisissant de cette loi de transition énergétique et notamment le crédit d'impôt. Faites vos travaux d'économie d'énergie avant la fin de l'année. Donnez du travail aux artisans du bâtiment. Et à la fois, faites-vous du bien, diminuez vos factures en isolant bien vos logements, vos fenêtres, vos portes, vos façades, vos combles, en installant des compteurs individuels, en installant des compteurs intelligents, des bornes électriques pour les voitures. Voilà, et vous aurez 30% de baisse d'impôts. Oui. Et avec ça, vous donnerez du travail aux artisans du bâtiment. Vous voyez, ça, c'est intelligent, c'est de l'économie circulaire. Bon, alors, pourquoi est-ce que, par exemple, je lisais aussi Jérôme Gage dans l'Essonne, le département de Manuel Valls, qui dit « À nous non plus, la politique économique actuelle ne convient pas ». Quand vous êtes électeur, que vous voulez aller voter au départemental, que vous avez un candidat de gauche qui dit à nous aussi, nous non plus, la politique économique actuelle ne convient pas, que peut-on comprendre? C'est vrai qu'il vaut mieux éviter les polémiques. Il vaut mieux avoir un camp uni avant des échéances électorales qu'un camp désuni. Voilà. Et en même temps, je crois qu'il y a quand même aussi à rappeler qu'une élection départementale, c'est pour élire des responsables départementaux, c'est-à-dire des responsables locaux, qui jouent un rôle d'ailleurs très important dans les départements et dans les régions. Et regardez par exemple sur l'écologie, sur la transition énergétique, sur les emplois de proximité, sur tout ce qui porte la croissance verte. Souvent, ce sont des actions locales, les territoires à énergie positive, par exemple, que j'ai lancé 200 territoires à énergie positive, dans lesquels les gens vont pouvoir se saisir des moyens concrets de travailler, de faire des économies d'énergie, de changer les choses sur l'éclairage public, par exemple. Est-ce que vous savez qu'une commune qui change les ampoules, qui met des LED dans son éclairage public, peut économiser jusqu'à 40% de factures d'électricité? Donc moi, j'aime bien les choses comme ça, concrètes, qui permettent de faire des économies, de lutter contre les gaspillages, de créer des emplois et en même temps de faire que la France est à l'avant-garde du nouveau modèle énergétique et qu'elle va respecter ses obligations de lutte contre les gaz à effet de serre, c'est-à-dire de lutte contre le réchauffement planétaire. Et d'ailleurs, vous le savez, avec les ministres de l'Environnement, nous sommes mis d'accord. C'est un exploit, nous sommes mis d'accord. J'ai beaucoup pesé, c'est vrai, en tant que responsable de l'environnement du pays qui va accueillir la conférence climat, pour que tous les pays européens fassent un effort. Et nous sommes les premiers à transmettre à l'Organisation des Nations Unies notre engagement pour tous les pays européens de diminuer de 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un enjeu majeur pour la santé l'enjeu publique. L'enjeu est majeur. C'est un enjeu essentiel. Et moi, je suis très contente de faire en sorte que la France soit exemplaire. Nous sur RMC pour défendre notre environnement. Mais je voudrais revenir aux élections départementales. Oui. Quelles sont les compétences? Vous connaissez les compétences, les nouvelles compétences du Conseil départemental? D'abord, moi, je ne les connais pas. Vous les connaissez vraiment les nouvelles compétences. D'abord, il y a les compétences traditionnelles qui sont confortées, c'est-à-dire toute l'action sociale, l'aide sociale, le handicap, l'aide sociale à l'enfance, donc toutes les collèges aussi, bon, maintenant qui vont être regroupés au niveau des régions. Mais c'est une administration, c'est un département, c'est une structure avec des élus de proximité qui relaient aussi les futures régions. Eh bien oui, il y a une rationalisation. Les Français ont voulu cette rationalisation. Je crois qu'ils sont conscients aussi qu'on peut faire des économies, là aussi, en répartissant mieux les responsabilités de chacun pour qu'il n'y ait pas de superposition entre ce que les uns et les autres font. Et en même temps, qu'il y ait de la coopération, qu'il y ait de quelque chose de dynamique, et une articulation cohérente entre ce que font les villes, ce que font les départements, ce que font les régions, tout en éliminant les doublons et donc en faisant des économies. Hier, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Hein? Oui. Bon, j'ai vu un sondage, les Français sont prêts à élire une femme présidente de la République. Ça, oui, c'est réconfortant. C'est réconfortant. Est-ce que vous avez renoncé à toute ambition présidentielle? Mais je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Je peux quand même vous poser la question. Vous avez renoncé à toute ambition présidentielle? J'ai déjà répondu positivement à cette question. Oui, vous avez renoncé à toute ambition présidentielle. Oui. On est bien d'accord. Si Vince. Pourquoi ça vous fait sourire? Le site surveillé par 200 gendarmes actuellement. Quand vont débuter les travaux pour construire la nouvelle retenue? Quand les procédures légales seront achevées. Avant l'été? Ça dépend de la qualité du dossier. Il faut maintenant que le maître d'ouvrage reprenne le dossier. Mais vous savez, on revient de loin quand même sur Sivens. Je voudrais souligner, moi, une méthode de gouvernance par rapport à Sivens. Pourquoi j'ai agi de cette façon-là? À un moment où tout semblait perdu, vous vous rendez compte, même le drame, la perte d'une vie humaine, des gens qui ne se parlent plus, une montée de la violence. Et ce que j'ai fait, c'est de faire en sorte que les gens se reparlent et qu'on puisse reconstruire une vérité commune au service de l'intérêt général, et que chacun comprenne qu'il devait lâcher une partie de sa vérité ou de son obstination, ou de son obsession, pour essayer de faire un chemin vers l'autre et de trouver à partir de critères clairs. Qu'est-ce que c'est que ces critères clairs? C'est comment on concilie la protection de l'environnement et l'équipement, et c'est possible si on se respecte, si on s'écoute et si on respecte les règles. Et au départ, les règles n'étaient pas respectées sur cet ouvrage qui était surdimensionné, qui ne respectait pas la loi sur l'eau. Et donc si les gens s'étaient écoutés plus tôt, on n'en serait pas arrivé là. Et c'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs en quittant votre émission, je réunis la commission de réforme de la démocratisation du droit de l'environnement pour que on puisse anticiper ce type de problème. Comment anticiper? Eh bien, en organisant un référendum local. Étant plus attentif aux arguments qui sont soulevés et peut-être effectivement quand c'est nécessaire organiser un référendum local. Mais oui, mais bien sûr, parce que ça oblige à mettre les arguments sur la table, voyez. Mais je voudrais quand même dire pour terminer que 99% des équipements dans le pays se passent bien. Et ça, c'est quand même très important. Bon, Notre-Dame-des-Landes, est-ce que l'aéroport sera construit? Ben ça, je ne sais pas non plus. Ça dépend aussi de l'achèvement, du parachèvement des procédures, puisqu'il y a un certain nombre de recours. Puis là aussi, Manuel Valls dit les travaux seront engagés cette année. Mais pourquoi pas là aussi un référendum local au niveau départemental? Référendum local pour Notre-Dame-des-Landes? Mais bien sûr. Vous le demandez? C'est une façon de... Je le demande. Je vous dis le Premier ministre dit les travaux seront engagés cette année. Mais il a dit, c'est pas exactement ça, il a dit les travaux seront engagés lorsque les procédures autoriseront ces travaux. Donc les procédures... L'aéroport sera construit, il l'a dit. Eh bien, il l'a dit dans le cadre des procédures actuelles. Donc ne cherchez pas la polémique. Mais il y a des recours encore, sur l'aéroport. Vous voulez que je souligne les sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Ne revenons pas toujours sur les mêmes sujets. Mais ce n'est pas les mêmes sujets. L'autoroute A831, où est-ce que vous en êtes? Les choses sont très simples. Les règles s'appliquent à tous. Les règles s'appliquent. Elle sera construite ou pas, cette autoroute? Moi, je suis garante de l'application du code de l'environnement, c'est-à-dire de la protection. Alors, est-ce qu'elle sera construite? L'autoroute dans le Marais, ça m'étonnerait beaucoup que l'autoroute dans le Marais soit construite. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est pas ce que dit le Premier ministre, pardon. Il n'a pas dit le contraire non plus. Mais il a lancé un nouvel appel à candidature d'entreprise. J'imagine. Mais dans le cadre des règles existantes. Bon. L'autorisation n'est même pas délivrée. Alors je vais passer à autre chose. Roland-Garros. L'extension de Roland-Garros. Vous êtes pour ou contre? Mais là aussi, c'est la même chose. Il y a des règles. Les règles seront respectées. Manuel Valls souhaite que Roland-Garros puisse être étendu. Ce n'est pas contradictoire. Moi, je suis là. Mon mandat politique, ma responsabilité vis-à-vis des Français, c'est de faire respecter, de protéger l'environnement. Donc, mes prises de position sont conformes à l'obligation morale qui est la mienne de protéger l'environnement et de veiller au respect des règles. Et donc, après, bien évidemment, on peut vouloir équiper le pays, donc vouloir des choses, mais ensuite, les responsabilités s'établissent et ensuite, sous le contrôle du juge administratif, les choses se font dans de bonnes conditions et les règles doivent être les mêmes pour tous. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent pour équiper, pour construire, qui sont parfois des prédateurs des espaces naturels qui restent, comme pour les autres qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont que la préoccupation de défendre leur cadre de vie, leur environnement et les générations futures. Donc il faut trouver un juste équilibre entre cela et la loi. Le code de l'environnement est là pour y veiller. Et moi, ministre de l'environnement, je protège prioritairement l'environnement et je faillis à ma mission si je détournais le regard pour dire oui, faites ce que vous voulez n'importe où, n'importe comment. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour Notre-Dame-des-Landes, vous demandez. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ne faites pas d'effet d'annonce. J'ai dit que dans le cadre de la réforme des procédures que je suis en train de réaliser, puisque là, je vous le disais, je réunis la commission tout à l'heure, il y aura effectivement la possibilité d'ouverture pour les maîtres d'ouvrage de recourir à un référendum. Ça se fait déjà en Allemagne, d'ailleurs. Donc, référendum, pourquoi pas à Notre-Dame-des-Landes? Mais pourquoi pas? Comme sur les autres sujets. Comme sur l'autoroute A831, ouvrons les choses au lieu de toujours se figer. Mais on est d'accord. Dans des conflits. Mais décompressons. Ouvrons le jeu de la société. Permettons que les gens s'expriment, faisons confiance à l'intelligence humaine, au dialogue démocratique, à la démocratie participative. Et ensuite, lorsque les choses sont décidées, comme je l'avais dit à Sylvain, j'ai tenu parole. Vous voyez, j'avais été attaqué sur Sylvain. Je me souviens, les députés qui hurlaient lorsque, à l'Assemblée, j'ai dit, lorsque le maître de Valax, lorsque le département aura choisi, le site sera évacué. Le département a choisi, j'ai tenu parole, le site a été évacué. Donc, vous voyez, une fois que la discussion a eu lieu, on arrête la décision, ça s'éternise pas une discussion, on arrête la décision, on met en place l'état de droit, on répète quelles sont les règles qui s'appliquent à tous, et ensuite on applique la décision avec détermination et force. Alors, Ségolène Royal, nous avons des images en direct de Greenpeace qui est en train d'installer une grande banderole sous le pont de la Concorde devant l'Assemblée nationale. Hein, il est inscrit sur cette banderole « J'engagerai la réduction de la part de nucléaire à 50% à l'horizon de 2025. » Engagement de campagne numéro 41. Fessenheim, l'une des deux unités de production de la centrale nucléaire de Fessenheim, arrêtée de manière inopinée il y a une semaine, a pu être redémarrée samedi après des réparations, c'est ce qu'indique EDF. Fessenheim, c'est pour quand ? L'arrêt. Là aussi, revenons pas toujours au même. Mais Fessenheim, ça se fera lorsque deux autres nouveaux réacteurs s'ouvriront, lorsque Flamanville s'ouvrira. Deux autres réacteurs donc, devront pas fermer. Pas avant la fin du quinquennat. Mais pourquoi polémiquer ? Ça a toujours mais été. Il s'agit pas de polémiquer, c'est juste de vous demander. Mais je vous le dis donc, très clairement, il n'y a aucune polémique. Tout est cadré. Est-ce que Greenpeace polémique ? Non, mais Greenpeace, c'est son droit. Greenpeace est pour la sortie du nucléaire. Ça n'est pas la position du gouvernement. Les Verts sont pour la sortie du nucléaire. Ça n'est pas ma position ni celle du gouvernement. Je considère que l'énergie nucléaire est un atout pour la France, même s'il faut en diminuer la part à 50% à l'horizon 2025. C'est là où il y a eu un débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis les choses se feront, à condition bien évidemment qu'on ait la force de monter en puissance sur les énergies renouvelables, d'où l'importance de la loi de transition énergétique que j'ai fait voter, parce que je vais donner par cette loi aux industriels des énergies renouvelables le soutien au prix de l'énergie renouvelable pour qu'ils puissent investir, s'équiper, que ce soit dans le solaire, dans le photovoltaïque, l'énergie marine des mers, dans l'énergie éolienne, dans la géothermie, dans la biomasse. Toutes ces filières extraordinaires de créativité et d'emploi, je veux qu'elles montrent rapidement en puissance. C'est ce que j'appelle la révolution de la croissance verte. Et par définition, la part du nucléaire baissera. Je ne veux pas en faire ni une idéologie, ni prendre en otage ma loi de transition énergétique par la question du nucléaire. Je souhaite qu'il y ait même un consensus national, un accord national sur le modèle énergétique français, parce que c'est ce qui nous rendra forts pour accueillir la conférence de climat, c'est ce qui rendra notre économie, notre industrie forte pour créer des emplois. Et la polémique n'a rien à faire dans la définition du modèle énergétique. Et d'ailleurs, il y a eu un travail tout à fait remarquable à l'Assemblée nationale et au Sénat pour permettre des convergences. Tous les partis politiques, quels qu'ils soient, ont fait un effort considérable pour faire en sorte que nous puissions réfléchir ensemble à ce qui va se passer à l'horizon 2030. Et c'est très rare lorsqu'en politique, on peut réfléchir et agir pour aujourd'hui. Pour l'avenir. Pour aujourd'hui, afin de préparer l'avenir et de faire en sorte que notre planète. C'est le rôle des politiques. Mais c'est très rare. Avouez, d'habitude, on a le nez sur le guidon pour les prochaines échéances. On a le nez sur le guidon. Là, les responsables politiques ont travaillé. Le pouvoir d'achat et le chômage. Ont travaillé. Et oui, mais justement, la croissance verte, c'est ce qui permettra de sortir du chômage. Bon, alors, Areva. Si tout le monde s'y met. Parle de chômage, Areva. Perte de 4,8 milliards d'euros, pas de licenciement, pas de suppression d'emplois. C'est ce que le gouvernement a dit. Et c'est ce que j'ai demandé aux entreprises, que je suis chargé de l'énergie, comme vous le savez. Mais je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Depuis plusieurs semaines, j'ai demandé aux entreprises, qui sont de très belles entreprises, là aussi mondialement connues, avec des technologies formidables, qui ont sans doute fait des erreurs dans le passé. Et puis le marché mondial de l'énergie bouge beaucoup. Il y a eu aussi l'accident de Fukushima qui a changé la donne en matière d'énergie nucléaire. Mais nous avons des fleurons dans ce domaine. Et EDF... Areva, le commissariat à l'énergie, rapprochement, convergence, bien sûr, convergence, bien sûr, fusion peut-être. Toutes les hypothèses sont sur la table. Fusion possible entre Areva et EDF. Toutes les hypothèses sont actuellement. Vous n'êtes pas contre la fusion. Toutes les hypothèses sont actuellement regardées pour voir où est l'intérêt de notre pays. L'intérêt de notre pays, c'est de structurer des champions dans le domaine de l'énergie, car je vous rappelle que EDF et Areva ne font pas seulement dans l'énergie nucléaire, mais aussi s'investissent puissamment dans les énergies renouvelables, puisque par exemple, elles ont gagné des appels d'offres que j'ai lancés sur l'éolien offshore, ou sur lequel il y a une grande compétition mondiale. Et moi, je veux que les entreprises industrielles françaises qui ont été à l'avant-garde de la mutation énergétique le restent et même puissent conquérir des parts de marché pour créer des emplois en France. Dernière question sur les autoroutes. Un accord avant la fin de la semaine avec les sociétés d'autoroutes ? C'est souhaitable. Les discussions se continuent, vous le savez, avec les parlementaires. Je sais. Il faut à la fois maîtriser les prix et en même temps favoriser le gel des tarifs des péages qui a été décrété va durer ou pas? Vous allez mettre fin à ce gel? Ça fait partie de la négociation. Vous souhaitez qu'on mette fin à ce gel des tarifs? Ça fait partie de la négociation. Je ne peux pas vous en dire plus. Ça négocie entre les parlementaires et les sociétés d'autoroutes. Renégociation. J'avais dit contrats, un certain nombre de choses. Oui. Elles n'ont pas, les sociétés d'autoroutes n'ont pas saisi la balle au bon. Bien mal leur en a pris parce que le problème serait réglé depuis longtemps. Est-ce qu'il faut encadrer? Je leur avais dit, vous modérez les prix et il y a un contrôle des prix. Oui. Et vous ne les augmentez que si vous êtes capable de vous justifier vis-à-vis des consommateurs les raisons. Et puis si les prix augmentent dans certains endroits, peut-être qu'ils baissent sur d'autres, là où les autoroutes sont totalement amorties. Vous faites des offres commerciales pour faciliter et pour améliorer le confort des automobilistes. Et puis enfin, vous investissez dans les travaux, puisque si vous êtes capable de distribuer beaucoup, beaucoup de dividendes, vous devez aussi investir dans les travaux à partir de vos bénéfices pour que ça ne repose pas sur le consommateur et sur les prix d'utilisation de l'autoroute, mais bien à partir de vos profits. Je leur avais demandé un milliard d'investissements. Pas de nouvelle augmentation des tarifs pour l'instant, les gels, l'accord n'est pas fait. Voilà. Et encadrement des bénéfices des sociétés d'autoroute. Réinvestissement d'une partie de ces bénéfices, soit justement par on en rend une partie aux consommateurs en maîtrisant les prix, et puis on en rend une partie aux entreprises et à la création d'emplois dans notre pays en investissant sur les travaux. Merci Ségolène Royal d'être venue nous voir ce matin, 8h57. Bourdin Direct, RMC tout en direct.